parler des Saguenay de Chicoutimi, ça a quand même été une fin de semaine assez difficile, les Saguenay. 7-2 défaite contre les Voltigeurs de Drummondville et hier 4-1 contre les Tigres de Victoriaville. Ce que j'ai lu sur les médias sociaux hier, c'est que les Saguenay c'était quand même bien battu. On en parle avec le descripteur Sébastien Morin. Salut Sébastien. Je disais à Michel Tifot, parce que je suis abonné à ses notifications sur les médias sociaux, puis il disait que les Saguenay c'était bien battu hier. Effectivement, il aurait mérité un meilleur sort, mais c'est commencé quand on commence à accumuler les défaites. Les bâtons sont plus serrés, joueurs jouent un peu plus nerveux, les lancers sont un peu moins précis, et plusieurs chances de marquer hier qui ont terminé soit sur les poteaux ou sur la baie vitrée. Ça marque pas de but de cette façon. Puis Olivier Tremblay a joué probablement son meilleur match de la saison, et peut-être que ce restera son meilleur match de la saison hier contre les Saguenay. OK. Maintenant, l'autre match était quand même assez difficile. Défaite de 7-2, je crois. Ah, celui-là, c'était pas long. Vendredi soir, du côté de Drummond, c'était un match long. Ça a été très, très rapide en première période. Pourtant, les Sacs avaient bien débuté. Nicolas Roy, qui est à sa première présence à son retour du camp des Hurricanes, fait sentir sa présence, marque un but. Pensait que ça allait donner un air d'aller, mais il y a eu quelques petites erreurs en défensive, entre autres des revirements dans le territoire des Sags, qui ont mené aux deux premiers buts rapides des Voltigeurs, puis ça a écrasé par la suite. Julio a donné un mauvais troisième, par la suite le quatrième, le cinquième. On l'a remplacé par le jeune Potvin, qui a bien fait encore une fois. Et par la suite, ben ça a été un match de 2-2 si on calcule, si on oublie la première période. OK. Donc, les deux défaites pour les Saguenay. Mais dans l'ensemble, je disais Yannick Jean dans le quotidien, puis Yannick disait ils vont trouver dur tant aussi longtemps que l'équipe progresse pas. Donc, c'est l'objectif, c'est de progresser au moins jusqu'à la période des fêtes, au moins. L'objectif, c'est de progresser jusqu'à la fin de la saison. C'est un gros camp d'entraînement pour les jeunes joueurs des Sags. Faut pas capoter avec le fait que les Sags sont 18e et dernier ce matin quand vous regardez les journaux, les classements sur les différents sites Internet. Il reste encore 62 matchs à la saison. Je vous rappelle que l'an passé, les Cataractes de Shawinigan ont perdu leurs 11 premiers matchs de la saison régulière. On a réussi à faire des séries quand même, et cette année, c'est des prétendants au titre. Fait que, tu sais, il y a un processus à respecter. Il faut pas déroger. Faut pas se fier à la pression qui est mise par certains journalistes, dont Joe Dami, dont d'autres dans la région, qui disent que les Sags vont finir bon dernier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça met de la pression sur les jeunes joueurs. C'est pas une année où on pensait qu'on allait gagner la Coupe. C'était l'année passée qu'on pensait qu'on allait gagner la Coupe chez les Sags. Ça a été tout le contraire. On a fait des séries de peine et de misère avec le club le plus vieux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai encore confiance avec le club le plus jeune cette année. On va réussir à faire les séries. Il y a du talent dans ce club-là. Il faut juste que les choses se placent. Quand la première victoire va arriver, il y a de la pression, il y a une tonne de pression qui va quitter les épaules des jeunes joueurs des Sags, puis par la suite, ça va mieux aller. Le problème, c'est qu'en fin de semaine prochaine, on s'en va à l'équipe. Ouais. C'est deux très bonnes équipes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais en même temps, peut-être un peu loin de la maison, les joueurs regroupés ensemble par une période de 4 jours, puis les Sags ont fait les choses en grand, on a réservé une auberge au grand complet, donc ce sera une sorte de retraite fermée pour les Sags la fin de semaine prochaine en Abitibi. On reste à la même place pendant 3 nuits, juste avant de revenir le dimanche là au Saguenay après le match contre les C'est combien d'heures d'autobus, hein? C'est 8 heures à la Val-d'Or, 9 pour aller à Rouen. Ouf. Avec 5 heures, pas d'internet, pas de cellulaire entre Chappet et Sainte-Marie. Fait que là, on écoute des films puis on fait sommeil. Exact. Organise-toi pour que ton DVD sur ton ordinateur fonctionne, ou que ton iPad soit full de jeux ou de films, parce que y a pas de signal, y a rien, là. Y a même pas de radio, tu prends même pas de don d'FM. Hey, où est-ce qu'on passe. Mais c'est une belle expérience, puis cette année, ce qui est le fun, c'est qu'on y va à l'automne. Les 3 premières saisons comme descripteur, j'ai vécu janvier, février, -45, -50, l'autobus qui gèle la nuit. Mais là, cette fois, on va voir des feuilles, on va voir des lacs, et je vais peut-être même amener ma canne à pêche la semaine prochaine. Mais y a rien là, j'ai fait Chicago en autobus, Sébastien. Oui, c'est une bonne run. Ouais, fait que quand le DVD dans ton laptop fonctionne, ça va mieux, là. Exact. Sauf que, tu sais, c'est 9h, tu t'en vas au fin fond du monde. C'est ça qui est plate. Si tu fais 9h de l'autre bord, tu te rends dans le coin de Toronto, mettons, mais là, tu t'en vas au milieu de nulle part dans l'Abitibi, mais c'est un passage obligé, puis heureusement, on sera débarrassé de ça, à moins d'une série contre soit les Foreurs ou les Huskies en fin de saison. Il y aura pas d'autres voyages en Abitibi cette année, puis c'est bien parfait comme ça, mais il arrive à point. Tu sais, il n'y a pas eu de victoire encore. Les joueurs vont être regroupés ensemble pendant une longue période, des activités d'équipe, des repas d'équipe, de dos en équipe, tu sais, tout va se faire en équipe pendant 4 jours. Je pense que ce sera bénéfique pour l'équipe des Bon, Sébastien, on se parle lundi ou mardi prochain? Avec plaisir. Le descripteur des matchs des Saguenay, Sébastien Morin.